Comment dit-on dire en allemand? Sagen. Sagen, tout à fait. Maintenant, comment diriez-vous « je ne sais pas ce que vous dites parce que je ne vous comprends pas »« car je ne vous comprends pas » Commençons par « je ne sais pas ». Ich weiß nicht. Oui, ich weiß nicht. Ce que se dit de la même manière que. Was. Donc, ce que vous dites. Was Sie sagen? Oui. Ich weiß nicht, was Sie sagen. Car. Denn. Denn. Je ne vous comprends pas. Ich verstehe Sie. Mm-hmm. Nicht. Bien. Denn ich verstehe sie nicht. Et si, au lieu de denn, vous voulez utiliser weil, parce que, weil, parce que je ne vous comprends pas, weil, weil ich nicht sie verstehen. Comment dites-vous je comprends? Ich verstehe. Ich verstehe, oui. On ne dira jamais ich verstehen. Ah oui, avec ich, il faut supprimer le n à la fin du verbe. Oui, donc parce que je ne vous comprends pas se dit weil. Weil ich. Sie. Weil ich sie nicht verstehe. Bien. Weil ich sie nicht verstehe. Donc, si vous avez weil, alors le premier verbe, quel qu'il soit, se retrouve à la fin. Weil ich sie nicht verstehe. Comment direz-vous « je n'arrive pas à vous comprendre »,« je ne peux pas vous comprendre »? Ich kann nicht sie verstehen. Je n'ai pas entendu très clairement la terminaison. Ich kann nicht sie verstehen. On dira plutôt « ich kann sie nicht verstehen », puisque le « sie » vient normalement avant « nicht ». Sauf si vous voulez insister particulièrement sur le « ne pas ». Dans ce cas, ça donnerait « ich kann nicht sie verstehen ». Je ne peux pas vous comprendre. Mais s'il n'y a pas d'insistance particulière, vous direz « je ne peux pas vous comprendre ». « Ich kann sie nicht verstehen ». Verstehen. « Ich kann sie nicht verstehen ». Donc, si vous voulez dire « je ne sais pas ce que vous dites parce que je ne vous comprends pas ». Encore une fois, je ne sais pas. Ich weiß nicht. Bien. Ich weiß nicht. Ce que. Was. Vous dites. Dire, c'est le verbe qui zigzague. Sie sagen. Sie sagen. Sagen. Bien. Ich weiß nicht, was Sie sagen. Parce que. Weil. Utilisons d'abord « denn », car. Comment diriez-vous « car je ne vous comprends pas » Denn. Denn, ich verstehe. Oui, ça c'est « car je comprends ». Sie nicht. Oui, encore une fois, « je comprends » se dit « ich ». Ich verstehe. Ich verstehe. Et « je vous comprends ». Ich verstehe sie. Ich verstehe sie. Et comment dit-on « je ne vous comprends pas » Ich verstehe sie nicht. Encore une fois, ich. Ich verstehe sie nicht. Bien, ich verstehe sie nicht. Donc, reprenons avec « car ». Denn. Denn. Ich verstehe sie nicht. Denn ich verstehe sie nicht. Mais si, au lieu de denn, vous choisissez parce que, weil, alors que se passe-t-il pour le verbe? Le verbe va à la fin. Oui, le verbe est rejeté à la fin, donc parce que je ne vous comprends pas, ça sera weil. Weil ich sie nicht verstehe. Bien. Weil ich sie nicht verstehe. Et maintenant, comment diriez-vous « car je ne peux pas vous comprendre » avec « denn » ?« Je ne peux pas vous comprendre » d'abord se dit Ich kann sie nicht verstehen. Ich kann sie nicht verstehen. Et maintenant, avec denn? Denn ich kann sie nicht verstehen. Denn ich kann sie nicht verstehen. Mais si maintenant, au lieu de denn, vous utilisez weil pour parce que, vous aurez parce que je ne peux pas vous comprendre avec le premier verbe qui se retrouve à la fin. Donc, comment direz-vous parce que je ne peux pas vous comprendre? Weil. Weil ich. Weil ich. Weil ich verstehe. Weil ich verstehe. Là, vous dites parce que je comprends. D'accord. Mais je ne comprends pas se dit ich verstehe nicht. Weil ich sie nicht verstehen kann. Weil ich sie nicht verstehen kann. Oui, même le kann vient après. Encore une fois, parce que je ne peux pas vous comprendre. Weil ich sie nicht verstehen kann. Weil ich sie nicht verstehen kann. Avec denn, c'est facile. L'ordre de la phrase n'est pas modifié. Donc, car je ne vous comprends pas, se dirait denn ich verstehe sie nicht. Denn ich verstehe sie nicht. Bien. Denn ich verstehe sie nicht. Mais si vous utilisez weil, parce que je ne vous comprends pas, weil ich es nicht verstehen kann. Vous venez de dire parce que je ne peux pas le comprendre. Weil ich es nicht verstehen kann. Mais ma question était parce que je ne vous comprends pas. Reprenons la partie facile. Parce que. Weil. Je ne vous comprends pas. Ich sie nicht verstehe. Bien. Encore une fois, parce que je ne vous comprends pas avec weil. Weil ich sie nicht verstehe. Bien, weil ich sie nicht verstehe.